La CIA entre en cyberguerre. La posture loyaliste de Pompeo fut rapidement récompensée par une liberté d'action bien plus grande que sous le précédent président. La CIA pourrait désormais autoriser des opérations spéciales et des attaques de drones sans passer par la Maison-Blanche. Quelques heures seulement après son entrée en fonction, le président autorisa la CIA à utiliser régulièrement des drones Predator contre des cibles identifiées au Moyen-Orient et en Asie centrale. Sous l'administration Obama, le président lui-même ou des responsables du Conseil national de sécurité, spécialement désignés, devaient donner leur feu vert avant toute frappe. Plus encore, Donald Trump décida que la CIA pourrait désormais mettre en œuvre des opérations de cyberespionnage et de cyberguerre sans restriction. C'était une vieille revendication de l'agence, qui voyait se développer les agressions de plusieurs puissances étrangères, en premier lieu la Russie et la Chine. Plusieurs grandes cyberattaques furent lancées à partir de 2018 contre des pays comme la Russie, la Chine, l'Iran et la Corée du Nord. Elles pouvaient aussi viser des médias, des organisations caritatives, des institutions religieuses ou des entreprises, si ces dernières travaillaient contre les intérêts américains. À l'automne 2019, en réponse aux frappes iraniennes contre l'Arabie saoudite, la CIA parvint ainsi à pirater le département de la propagande iranienne. Selon un ancien du service, « Avant, il fallait des années de signaux et des dizaines de pages de renseignements pour montrer qu'une entité était bien de mèche avec les services de renseignement d'un pays. Maintenant, tant que vous pouvez montrer qu'il semble vaguement que l'organisation caritative travaille au nom de ce gouvernement, alors vous êtes bon. » On en apprit un peu plus sur les capacités offensives de la CIA dans le domaine cyber, avec une nouvelle fuite massive de données mise en ligne par WikiLeaks en mars 2017, sous le nom de code Vault 7. Les programmes décrits dans ces dossiers portaient des noms exotiques, tels que McNugget, Crunchy Lime Skies, Elder Piggy, Anger Quake et Wrecking Crew, et étaient conçus pour infiltrer des systèmes de communication comme Skype et WhatsApp, des smartphones produits par Google et Apple, des logiciels commerciaux comme PDF et Microsoft Windows, et même des téléviseurs dits intelligents qui se connectent à Internet. Les révélations de WikiLeaks permettaient de comprendre comment travaille le Special Collection Service, SCS, un programme conjoint de la CIA et de la NSA qui remonte aux premiers jours de la guerre froide. Le programme fut lancé par les forces armées des États-Unis, mais fut ensuite transféré dans le secteur civil et surveillé par la CIA. Il utilisait des installations avancées d'interception des communications dans le monde entier. Au fil des ans, la CIA a collaboré avec la NSA et a développé de nombreux projets SCS visant plusieurs pays étrangers en utilisant des moyens techniques et humains. Ces dernières années, le SCS a été principalement géré par la NSA, qui supervise les plateformes techniques du programme. Les informations contenues dans la fuite Vault 7 constituent la plus grande fuite de données classifiées de l'histoire de la CIA. La base détaille près de 100 outils logiciels différents développés et utilisés entre 2013 et 2016. En 2017, le gouvernement américain a accusé Joshua Adam Schultz, un ancien ingénieur logiciel de la CIA, d'avoir livré les données de Vault 7 à WikiLeaks. Le procès de Schultz devant un jury n'a cependant pas été concluant. En 2020, un rapport interne a conclu que les fuites de données ont été facilitées par une culture de l'informatique parallèle, par laquelle les différentes unités de la CIA ont développé des pratiques de sécurité informatique distinctes. De nombreuses cyberunités ont donné la priorité à la créativité et à l'innovation, mais elles n'ont pratiquement pas réfléchi aux moyens de préserver le caractère secret de leurs projets et n'ont même pas élaboré de normes de base en matière de contre-espionnage, Par exemple, la tenue d'un registre indiquant quels membres ont eu accès à des parties spécifiques des données. Ces normes auraient dû être prioritaires, ajoute le rapport, étant donné les nombreuses fuites très médiatisées qui ont secoué la communauté du renseignement. Affaire Edward Snowden, Chelsea Manning. Si le numérique est une nouvelle arme offensive pour la CIA, il peut donc aussi représenter une vulnérabilité croissante pour ses agents. Un autre exemple en est donné par le renseignement d'identité, à savoir la reconstitution détaillée de l'identité d'une personne à partir de son activité en ligne et de son empreinte numérique laissée sur des appareils sans fil, qui constitue désormais un obstacle considérable aux opérations clandestines. Aujourd'hui, une trentaine de pays utilisent des systèmes de vidéosurveillance dont les fonctionnalités sont si avancées qu'elles rendent inutile le suivi physique d'agents humains. La combinaison de ces systèmes avancés avec les réseaux numériques globaux des villes dites intelligentes, ainsi qu'avec l'Internet des objets, constitue désormais une menace sérieuse pour la capacité de la CIA à opérer en secret. Abandonner le réseau en ligne n'est pas une solution, car ce faisant, on attire paradoxalement l'attention sur l'absent. Si un agent voyage sous couverture de cadre supérieur, par exemple, ne pas avoir de police d'assurance maladie ou d'assurance vie, éteindre son téléphone portable tous les jours de 8h à 17h, etc., ne peut qu'attirer les soupçons. Certes, la technologie peut aussi apporter des solutions à ces défis, par exemple par le biais d'applications téléphoniques qui falsifient les coordonnées géospatiales de l'appareil. Une autre voie explorée par l'agence est l'utilisation d'algorithmes d'intelligence artificielle pour cartographier les réseaux de caméras de vidéosurveillance dans les centres urbains. Ces cartes peuvent aider le personnel clandestin à éviter les zones où des réseaux de caméras sont présents. On comprend mieux ainsi pourquoi la CIA a créé un fonds d'investissement dans des start-up de technologies innovantes. À l'automne 2020, la CIA a d'ailleurs annoncé la création d'un nouveau complexe de laboratoires de recherche avancée, avec pour objectif de rivaliser avec la Silicon Valley pour attirer les meilleurs talents techniques. L'initiative s'appelle CIA Labs et vise à recruter des scientifiques et des ingénieurs intéressés par des projets de recherche avancés ayant un potentiel d'application dans le domaine de la sécurité nationale. Parmi les domaines de recherche concernés figurent la biotechnologie, la science des matériaux avancés, ainsi que l'intelligence artificielle, l'analyse des données et l'informatique quantique à haute performance. Ces trois derniers domaines sont nécessaires pour aider la CIA à gérer l'immense volume de données qu'elle recueille quotidiennement.